Salut, c'est Kiwan et Mathieu avec une autre capsule d'assemblage requis. Cette semaine, pour la capsule d'assemblage requis, on est rendu dans la préparation de l'émission à trouver un thème musical pour l'émission. Et on a cherché sur plein de CD, on cherchait les artistes qu'on aimait. On s'est dit que ça serait vraiment chouette si, pour notre émission, on avait un thème musical qui serait fait par Vanesse Pariéter, parce que c'est un groupe qu'on aime beaucoup tous les deux. Alors, on a écrit comme ça, naïvement, sans trop d'attente, on a écrit au groupe Vanesse Pariéter pour leur demander s'ils voulaient nous composer un thème juste à nous pour notre émission. Et, surprise! Ils ont accepté avec extrême générosité. Alors, voici ce que ça donne. Voilà, c'était la merveilleuse chanson thème d'assemblage requis que vous allez entendre tous les jours à 15h à partir du 31 août. Et finalement, on tient à remercier sincèrement le groupe Vanesse Pariéter qui ont accepté de nous faire ça, de nous donner cette pièce-là. Donc, merci beaucoup à Vanesse Pariéter. Oui, merci beaucoup, beaucoup, Vanesse Pariéter. On se retrouve, nous, pour une autre capsule d'assemblage requis la semaine prochaine. Bye bye!